les évangiles, de Thomas. Intégré aux actes des apôtres en Asie. D'après les manuscrits, et fragments, arabe, gaze, copte, grec, latin, syriaque. De l'anglais. Gospel of Infancy of Jesus. Gospel, et Apocalypse of Thomas. Act of Thomas. Act of the Apostle. À noter sur les livres des prophètes, et orientalistes, Abdias, Malan, Brunet, Migne, Walker, Robinson, Lewis Smith, Patterson Meyer, et Vision d'Elmorich. Deuxième édition. Page totale. 136. Publié par Philblues Édition. Préface. Des réunions commencèrent à divers endroits de la ville. Le sujet était discuté dans les conversations en matière d'étonnement, à savoir qui était celui qui était apparu, quel message apportait-il de Dieu pour les hommes. La même année, un certain homme vint faire une déclaration à la place la plus fréquentée de la ville, disant « Écoutez-moi citoyens de Rome. Le Fils de Dieu est apparu dans les régions de Judée avec une promesse de vie éternelle pour ceux qui l'écoutent, à condition de régler ses actions suivant la volonté même de Dieu le Père qui l'a envoyé. Si vous détournez les mauvaises choses pour le bien, les choses temporelles pour les éternelles. Sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a autorité au ciel comme sur terre, qui voit les justes et les injustes qui peuplent son monde. Si vous vous conformez en agissant d'après sa volonté, en récompense vous irez dans le monde à venir, vous deviendrez alors des immortels, comblés de ses indescriptibles bénédictions. L'homme qui dit ces choses au peuple était un hébreu de tribu des contrées de l'Est, nommé Joseph Barnabi, lui-même se disant de ses Talmidim élèves, envoyé pour dire ces choses à ceux qui voulaient les entendre. Ayant entendu cela, je le suivis avec les autres de la foule pour écouter ce qu'il avait à dire, car vraiment je ne percevais aucun artifice dans ses propos, il parlait avec simplicité sans supercherie, des choses qu'il avait entendues ou vues du Fils de Dieu. Il ne se servait pas de force d'argument et indiquait de nombreux témoins aux merveilles et paroles qu'il annonçait, aux gens qui l'entouraient. Le peuple qui consentait volontiers aux choses dites avec sincérité, adhéra à son simple discours. Néanmoins, ceux qui se croyaient érudits et philosophes se mirent à rire de lui et le bafouèrent en lui décochant à force de bras des traits du syllogisme théorique. Lui, nullement effrayé, voyait leur subtilité simplement comme du délire qu'il ne jugea pas digne de réponse, continuant avec confiance sur la question mise devant lui. Tandis qu'il parlait encore, on lui souleva cette question. Pourquoi une petite bête comme le moucheron est-il fait avec 6 pattes en plus des ailes, tandis qu'une bête immense sans ailes comme l'éléphant n'a que 4 pattes? Il ne porta pas attention à la question. Quand il était interrompu par d'autres bravadeurs propos, il répondait seulement. Nous sommes chargés de vous dire les faits et les paroles merveilleuses de celui qui nous a envoyés, et confirmer la vérité de ce que nous disons, sans ajouter d'artifice, par plusieurs témoins que je reconnais parmi vous-ci, qui ont entendu eux aussi ce que nous avons entendu, vu ce que nous avons vu. C'est votre décision de recevoir ou rejeter les bonnes nouvelles que nous vous apportons. Ce que nous savons pour votre bien nous ne le retenons pas. Malheur à nous si nous gardons silence, mais à vous destruction si vous ne recevez pas nos paroles. Je pourrais facilement répondre à vos bravades si c'était dans le but de connaître la vérité quant à la différence entre un moucheron et un éléphant. Mais pour l'instant il serait absurde de vous parler de ces créatures, alors que le Créateur et le Concepteur de toutes choses vous est inconnu. Barnabé.